Tout est bon, j'ai mal et qu'à mon bail. J'espère bien qu'il va friquer mon bis. La première qui niquera mon bail. Lancez pas mon bord de trois gros par mon bis. Attends devant les pistes qu'on puisse se booster. On s'éteint à l'alcool et se démarre le booster. En rentrant dans la cité, tu croises des chouffetés. T'allais avec la bloc, allez dans le boxeur. Mais t'inquiète, on s'y fait, tu sais, l'alcool m'intensifie. J'suis dans un logement où une chaleur intensifie. Assistant, premier billet, mon pas suffit. Le téléphone sonne, le bail bon, j'ai pas su faire. J'ai billet de vin, j'ai l'océan Pacifique. Carré délicat, mon bail c'est dur, elle me dit pas si vite. Pratique, oui, elle me répète, aux gens faut pas se fier. En claquant la semaine, la payer par civil. Oh, laissez-moi, ça devient hoche. Y'a plus grand chose à dire. On dort plus, on fait les choses. Ça devient systématique. Sais-tu sur quoi je m'avance? En renonçant ma cible. Perdurer dans ma tête. Galérer dans ma vie. J'abonnais, j'abonnais comme des guerriers. Malika, malika, malika, malika. Si on prend les lovés. Ça va, ça marche à peu près. Pssst, t'inquiète, on garde les locaux peu pro. Les gars mobiles répondent des fois à deux traits. Donc ça refuse l'argent qu'on peut prendre. Et t'en peux plus, manque tout pour quand t'es crépite. Je veux pas les pépins, moi sa mère amène les pépites. Je réponds aux messages, elle est contente, on prend sa crédite. Mais elle se fatigue, c'est les gars qui te ferment les pupilles. Les gars mobiles, elles m'aident bien. Un peu de batterie, elle tient. Mais est-ce que Lika m'aime bien? Est-ce qu'elle m'alerte si la sorte on s'elle vient? Elle repasse à l'épice, qu'on en pète une autre. Pourtant faut pas que ça prenne une heure. 20 minutes de plus pour qu'on en prenne une gaufre. Lika mobile me fait manger, pourtant j'ai prévu l'air. Et puis vu l'heure, tu pouvais l'aider un grand poteau si tu voulais. Et puis voilà, Lika te manipule mon rond, putain si tu voyais. Mais pas la quitter, parce qu'elle a de la valeur. Grâce à elle dans le téléphone et sans mon évalu. Dans cette période, difficile de voir ailleurs. Si je la perds, je passe au tout, c'est le bac à ton salut. Oh laissez-moi, ça devient hoche. Y'a plus grand chose à dire. On dort plus, on fait les choses. Ça devient systématique. Sais-tu sur quoi je m'avance? En relançant ma cible. Perdurer dans ma tête. Galérer dans ma vie. J'abonnais, j'abonnais comme des guerriers. Malika, malika, malika, malika. Si on prend les lobés, Malika, ring, ring, every day.